de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. I love you, madly. Tout le monde t'a adoré, mais personne ne t'a apprécié autant que moi, car j'avais la meilleure place. Bonne chance, je t'aime comme un fou. C'est le télégramme envoyé en 1959 par Duke Ellington à Ella Fitzgerald, alors qu'il vient d'enregistrer et de se produire en concert avec elle, bouleversé par sa voix. En 1981, France Culture consacrait à Ella Fitzgerald une série en 8 épisodes dans l'émission Semaine Titre. À écouter tout de suite, 8e et dernière émission diffusée le 1er janvier 1982, Ella Fitzgerald et Duke Ellington. Now that's one type. And then, of course, you've got the people who love good old Dixieland music. Nowadays, who's fond of what we call the guitars. Everybody you see has a guitar, and they like to play country and western. Hey, swing your butt around and around and around. Ella voulait être danseuse, Duke voulait être peintre. Ella chanteuse deviendra la couleur favorite de Duke Ellington, peintre-compositeur. Dans un portrait musical qu'il brossera d'elle, Duke la définira comme royale, au-delà des catégories, totalement musicienne. Ce sont là ses propres mots. Ce qui fascine, surprend et déroute dans le monde d'Ella et de Duke, rien ne m'a paru le rendre mieux que les explications que Duke Ellington lui-même donnait à Dakar au moment du premier festival des arts nègres, à travers une conférence de presse où les amoureux des formules en solde, des définitions catégorielles et des prises de position spectaculaires en furent pour leurs frais. C'est cette conférence de presse qui va aujourd'hui servir de base à ce portrait d'Ella et de Duke que nous avons voulu leur laisser brosser eux-mêmes. Un autoportrait dans lequel Ella chante et passe, sans ajouter un mot de plus, comme dans le hall de l'hôtel de Dakar, et où Duke déclare aux journalistes de la presse internationale. Well, I don't write from the perspective or perform from the perspective of one who is trying to interpret jazz. I mean, it's a personal thing because jazz is sort of, or rather, I should say that the musicians who have entered the field have sort of outgrown it, and we find that they're personalities now instead of categories. go on. No, it's very personal all the way along the line. Each one, you take the whole history of jazz, Bechet, Armstrong, you know, Dizzy Gillespie, Art Tatum, Hawk, they're all individuals, you know, Dizzy, all the way up. They're all individuals. There are no categories in it. And so the great thinking is now that the difference, years ago, well this is kind of long. What? Go ahead. Jazz, c'est pour moi, c'est une chose très personnelle. Et ceux qui font du jazz, surtout les grandes personnalités maintenant, ils sont plus des individualistes, ils ne pensent pas de jazz comme un travail, ça fait partie de leur esprit, de leur âme. Ella Fitzgerald. Oui. « I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Nobody's fool, so I'm playing it cool. And French idea. What's your attitude about negritude? I mean, what do you think about negritude? At this point, I think it's a state of, the way it's implied, I don't know. I don't know the origin or what à propos de la négritude, je ne sais pas vraiment quoi penser. À l'origine, la musique de jazz, c'est bien sûr de la musique de noir. Mais aux États-Unis, elle s'est forcément transformée. Ça n'a plus grand rapport avec la musique faite en Afrique. De toute manière, classer les choses en catégories, ça ne veut pas dire grand-chose. Because of the category, it doesn't mean anything. You see, for instance, 50 years ago, a guy would pick up a horn and blow it, and maybe if he couldn't read good, I mean, he would play it the way he felt it, but this seemed to have more. Comment parler, comment mettre en rapport le jazz et la musique africaine, puisqu'aujourd'hui les gens qui font du jazz sortent des conservatoires, ont eu un enseignement classique, et les noirs d'Afrique n'ont pas d'enseignement classique, ne savent pas ce que c'est que la musique occidentale. And they decide, I mean, one fourth of them probably go back to the conservatory to teach, some going to the symphony, some to TV and the moving pictures, and then some of them decide to work under a banner of jazz. Well, other than that, it doesn't really mean anything. I mean, if, say, for instance, somebody says, I'm going to have a jazz festival, well, you know, you go to the Newport Jazz Festival. Parler de négritude en ce qui concerne le jazz, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans le jazz, il n'y a pas de catégorie. Vous avez Count Basie, Mahalia Jackson. C'est autant de manières de faire du jazz, autant de personnalités. Ça n'est pas des catégories. Well, this is the word that I hear. I'm not sure I know what it means. Négritude, c'est un mot que j'ai entendu. Je suis pas bien sûr de ce qu'il veut dire. Which of course would be true if it is supposed to imply. Je répète que cette musique qui aujourd'hui est tellement populaire et qui s'appelle le jazz, qu'on entend partout, a certainement une fondation africaine. Mais faire forcément un parallèle entre le jazz et la musique faite par les Noirs, c'est peut-être un peu aller rapidement en besogne. We did a parallel to the history of jazz, sort of thing, in which there was a woman whose name was Madame Zage, which is jazz. C'est passé beaucoup de choses, vous savez, quand cette musique qui est née en Afrique a traversé l'Atlantique, est arrivée en Amérique. En Amérique, il y a aussi beaucoup d'influences, celle de l'Ouest, celle de l'Est, celle du Nord, celle du Sud. Alors vous comprenez, relier ça à la musique faite en Afrique par les Noirs. Bon, le jazz a évidemment des choses à voir avec la musique des Noirs, mais la négritude, ça c'est une autre histoire. La négritude, c'est le problème des Noirs tout autour du monde, ça n'a pas grand-chose à voir avec le jazz. And now, all of these have been combined and come back to us with what is known as the big beat. And it's all with the African Foundation. But I don't think this has to do, this is one point, but I don't think this has to do with negritude. I think negritude has to do with the actual Negroes around the world who are contributing to art on a certain level. The negritude has nothing to do with jazz. Je répète que la négritude n'a rien à voir avec le jazz. Elle a quelque chose à voir avec les nègres. Il y a des gens qui parlent de jazz, il y a des gens qui parlent de négritude. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Le seul moment où les deux se relient, c'est que les Noirs sont à la base du jazz. Les Noirs d'Afrique sont à la base du jazz. C'est tout ce que je peux dire. Music, all kind of music, and I love music. You love all kind of music? Hmm? I love classic music. And then, of course, you've got the people who love good old Dixieland music. nowadays who's fond of what we call the guitars. Everybody you see has a guitar, and they like to play country and western. Hey, swing your partner around and around and a hoo bit of heat and a ha ha. Get your round in the morning and around and hee-hoo! One of the greatest bands in the world, ladies and gentlemen. When it comes to swing, oh, good gracious, they swing you into bad health. And you know who I'm talking about. None other than Count Basie! Get him, Count! Get it! Encyclopedia of music, but what he doesn't know about music, well, you just forget about it, because he composes it, he plays it, and what he does to it is something else, ladies and gentlemen. The Love You Madly Man, the Duke of Ellington. Get him. Together. But you know, I dig what they do, and I bet you there are a whole lot of us here when we're home by ourselves. We get in there, we put that music on, and we get just like them. We do what they do. We like to listen to it, dance to it, and we call it soul train music. Get on, baby! Come on, and now! Hey, now! It don't mean a thing if it ain't got that swing. Ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop. Makes no difference if it's sweet or hot. Get that rhythm, everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop, ooh-wop. Anything to make it sweet. Come on with that melody. Come on. Madame, Monsieur, Sénégal, je vous aime à la folie. What are your impressions of Africa so far? Well, Africa is a source of great inspiration to me. It always has been. It was before I got here, and of course, naturally, on being here and to at the point of absorption, why, it's just that much greater. L'Afrique, pour moi, c'était toujours une source d'inspiration. Et maintenant que je suis ici, je suis vraiment, vraiment contente. What is the importance for you and for all Negroes? Negroes in general, this first festival of Negro arts. The first festival of Negro arts, of course, is very important in that the Negro artists will be exposed to and in position to observe what the other Negro artists around the world are doing, which I think will contribute tremendously to the adjustment or readjustment of their perspective artistically. Le premier festival des arts nègres est naturellement très important pour moi et pour, j'ose dire, tous les noirs partout du monde, parce que c'est ça sera la première rencontre avec tous ces artistes et ils peuvent faire un grand échange de vues. What do I dream about? Oh, all these big plans that I to things that I'm going to do, like plays and musical works and everything. Oh, you know, my first recognized talent was art. I won a scholarship in fine art, And because I got involved with music, and then I never went into it. But I always had big plans for when I go out and buy canvas and cardboard and paint and stuff, but that sits in the corner and collects dust. De quoi je rêve? Oh, beaucoup de choses. Quand j'étais plus jeune, j'ai voulu devenir peintre. Et j'ai pensé de mes grandes toiles, ce que je vais faire, des tableaux qui sera un jour très connu mondialement. You're not content to be a well-known musician. Would you rather still be a painter? Well, you know, this is a musical career is a big surprise to me anyway, because, you know, I was all ready to go off to take advantage of my scholarship in fine art when I discovered that my local reputation as a musician had to be protected and I had to go and study a little music. Toute ma carrière était une surprise pour moi. Vous savez que j'ai gagné une bourse pour devenir peintre pour faire mes études enfin, dans la peinture. Mais j'ai découvert que ma petite réputation là où j'étais, quand j'étais jeune, est telle que j'ai décidé de protéger ça et pour agrandir un peu ma connaissance dans le monde musical. To be portrait d'Ella Fitzgerald par Duke Ellington. Billy Strayhorn, we're going to change piano players at this point. Would you come over here to the mic, please? I think it only fitting that Billy should have the responsibility of the concluding statement. In our musical search for a total portrait of Ella Fitzgerald, we find a melodic parallel in which royal ancestry, greatness of heart, and talent beyond category are the principal components in the quest for total jazz. Modern jazz, Coltrane, and so forth. Well, you know, by not considering the word jazz, you think of it in terms of music, and you say it's consistent with the original theory that it's all personality. It's a personal thing. It's not a category. I mean, there's a Coltrane, and then what? On the pivot. One guy doesn't make a category. Or one guy and 100 imitators doesn't make a category. On ne peut pas classer du jazz comme ça. Jazz, c'est une chose très personnelle. Et puis, oui. On ne peut pas dire que jazz... As far as the modern devices, harmonically, melodically, rhythmically, there's nothing... The modern started 100 years ago, maybe, huh? Do you think that it's necessary to be black in order to play jazz well? To be a Negro in order to play jazz well? I don't believe in categories. Il ne croit pas que jazz tombe dans les peut être classé comme ça. La musique, I mean, c'est la musique. If you say jazz, then to begin with, I don't know what you mean. I mean, you say. Quand vous dites jazz, il faut bien comprendre que vous parlez dans des termes différents que si vous disiez Dizzy Gillespie est meilleur que Louis Armstrong ou Louis Armstrong est meilleur que Dizzy Gillespie. C'est pas comme ça que les choses se posent. C'est pas dans ces termes. Chacun, dans son domaine, chacun avec sa personnalité, fait ce qu'il a à faire. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why bring back old memories? Been invited to dance. Might have gone, but what for? Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. But never. Le jazz est fait de personnalités, disait Duke Ellington, et Ella Fitzgerald est une de celles qui ont contribué à ne pas en faire une catégorie. Cela n'a pas toujours été bien compris en Europe. Ces 8 heures vous auront peut-être aidé à le sentir. Au revoir. Bye bye. Et bonne année. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental me. C'était Inclassable Ella 8, Ella Fitzgerald et Duke Ellington sur France Culture dans l'émission Semaine Titre, une série en 8 épisodes dont vous venez d'écouter la 8e et dernière émission diffusée le 1er janvier 1982. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Thank you.